بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعتي. Donc inshallah ta'ala, nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith de Aisha radiyallahu anha. Wa an Aisha radiyallahu anhuma قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. Donc Aïcha radiallahu anha ou radiallahu anhuma rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lavait les traces de sperme puis se rendait à la mosquée revêtie du même habit, alors que je regardais les traces du lavage. Et sous une formulation de muslim, je grattais les traces de sperme de l'habit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec lequel il accomplissait la prière. Et sous une autre formulation encore, je grattais avec mon ongle les traces de sperme sèche sur son habit. Donc ce hadith, il est rapporté par Aïcha radiallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et Aïcha radiallahu anha est l'une des épouses de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec elle après Khadija et Saouda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agré. Et le père de Aïcha radiallahu anha et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, et la mère de Aïcha, c'est Ummu Ruman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et Aïcha radiallahu anha est née environ 5 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit devenu messager. Et sa kunya est Ummu Abdillah. Et les savants ont divergé concernant la cause de cette kunya. Et certains parmi les savants sont d'avis qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir une kunya. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa kunya par rapport au fils de sa sœur Asma, qui s'appelait Abdullah. Radiallahu anhu. Tandis que d'autres parmi les savants sont d'avis que Aïcha, radiallahu anha, a eu un enfant. Mais cet enfant n'a pas vécu selon eux. Et cet enfant s'appelait Abdullah. Mais l'avis le plus juste, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus savant, le plus juste, c'est le premier avis. Et la preuve à cela, ikhwani fillah, réside dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, d'après Aïcha elle-même, radiallahu anha. Elle dit, radiallahu anha, au messager d'Allah, toutes mes amies ont une kunya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit de prendre sa kunya du prénom du fils de sa sœur, c'est-à-dire Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Et Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a de nombreux mérites. Parmi ces mérites, le fait qu'elle soit l'une des meilleures femmes. Et les preuves à cela sont nombreuses. Et quelqu'un pourrait se demander, est-ce que Aïcha radiallahu anha est la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la réponse à cette question, ikhwani fillah, est que les savants ont divergé concernant ce sujet. Certains sont d'avis que la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khadija bintu Khuwaylid radiallahu anha. Tandis que d'autres sont d'avis que c'est Aïcha, qu'Allah l'agrée. Mais l'avis le plus juste, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus savant, est qu'en termes de secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout au début de la révélation, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha est la meilleure. Par contre, en termes de science et de sa propagation, c'est-à-dire la propagation de la science, Aïcha est la meilleure, car c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était la plus savante, et ceci sans contestation possible. Et cet avis est le plus juste, incha'Allah, comme le disait notre noble cheikh Yassin ibn Ali al-Adani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le deuxième mérite de Aïcha, radiallahu anha, et que c'est la seule femme vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée. Le troisième mérite est que son innocence est venue dans le Coran. L'innocence de Aïcha, radiallahu anha, est venue dans le Coran dans 16 versets consécutifs dans Surat La Lumière. Le quatrième de ses mérites est que l'ange Jibril lui a passé le salam. Aïcha rapporte, radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Aïchou, c'est-à-dire Aïcha, voilà Jibril, il te passe le salam. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Après avoir mentionné certains mérites de notre mère, Aïcha, radiallahu anha, nous allons mentionner la croyance d'une secte parmi les gens de l'innovation concernant Aïcha, radiallahu anha. Et cette secte n'est d'autre que la secte des Rafidah. Et nous trouvons dans la croyance de cette secte les points suivants. Le premier point est le fait qu'ils ont la conviction que Aïcha radiallahu anha est mécréante. Mais ce n'est pas tout. Ils ont la conviction aussi que Aïcha, Hafsa, Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhum ont tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le comble, c'est qu'il se base sur un verset du Coran. Il se base qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide ou leur brise le dos. Il se base sur le verset 144 de Surat Ali Imran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction rapprochée, si il venait à mourir, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si il était tué, feriez-vous marche arrière? Et selon eux, Aïcha, Hafsa, Abu Bakr al-Siddiq et Omar al-Khattab radiallahu anhum, selon eux, ils auraient empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Le deuxième point, selon leur croyance, l'une des portes de l'enfer est pour Aïcha. Regardez, ikhwan fillah, la croyance de ces gens-là. Chez les gens de la sunna, walillah alhamd, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs hommes après les prophètes. Et regardez cette secte. Pour eux, l'une des portes de l'enfer est pour Aïcha radiallahu anha. Subhanallah, comment peut-on croire après cela et avoir la conviction que ces gens sont sur la vérité? Et ils ont aussi la conviction que Aïcha est une fornicatrice, wal'iyadhu billah. Et les savants de la sunna sont unanimes que celui qui insulte Aïcha en la taxant de fornicatrice est mécréant. Et toutes les paroles qu'on a mentionnées précédemment concernant cette secte nous montrent très clairement que ce ne sont pas des musulmans. Et les savants de l'islam, walhamdulillah, ils ont démontré leur croyance dans leurs livres et ils les ont réfutés. Et il convient à l'étudiant en science et à celui qui a de la jalousie pour sa religion et aussi celui qui aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses épouses de se désavouer de cette secte et de montrer aussi leur égarement et de montrer notre amour qu'on a envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi nos savants vont même plus loin dans cette affaire. Certains savants tels que Cheikh Mughbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'a disaient aux gens de la sunna d'appeler leur fille Aïcha radiallahu anha, car comme nous l'avons vu, cette secte-là déteste et insulte notre mère à tous, Aïcha radiallahu anha. Non. Donc revenons au hadith. Aïcha rapporte radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lavait les traces de sperme puis se rendait à la mosquée revêtu du même habit. Alors que je regardais les traces du lavage, sous une formulation de musulmane, Je grattais les traces de sperme de l'habit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel il accomplissait la prière. Et sous une autre formulation encore, je grattais avec mes ongles les traces de sperme sèche sur son habit. Ce hadith, ikhwani fillah, nous montre le jugement du sperme. Et qu'est-ce qu'il convient de faire lorsqu'il y en a sur un vêtement? Il nous indique la pureté de ce liquide. Car si le sperme était impur, Aïcha radiallahu anha ne se serait pas contentée de le gratter. Elle aurait été dans l'obligation de le laver. Et ceci est une preuve montrant la pureté du sperme. Et les savants qui sont d'avis que le sperme est pur mentionnent plusieurs preuves et plusieurs arguments. La première preuve est celle qu'on vient de mentionner. Et c'est le fait que Aïcha radiallahu anha grattait le sperme qui était sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle grattait les traces de sperme qui étaient sur l'habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième preuve est que la base des choses, c'est la pureté. Jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant son impureté. Et ici, ce n'est pas le cas. La troisième preuve est que le sperme, c'est l'origine de l'homme. Et parmi ces hommes, il y a des prophètes, des martyrs, des vertueux et des gens de bien. Et c'est donc impossible que leur origine soit impure, comme l'a mentionné l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et donc l'avis le plus juste, incha'Allah, est que le sperme est pur. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, radiallahu anhuma. Tandis que l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, radiallahu anhuma, sont d'avis que le sperme est impur. Et l'auteur ici, il nous a mentionné plusieurs formulations du hadith. Dans la première formulation, les traces de sperme sont lavées, tandis que dans les deux autres, elles sont grattées. Et les savants ont tiré de cela que lorsque le sperme est humide, il est préférable qu'il soit lavé. Et lorsqu'il est sec, il est préférable qu'il soit gratté. Et ici, quelqu'un pourrait se demander, est-ce que les liquides séminaux ont le même jugement que le sperme? Et la réponse à cette question est que les liquides séminaux sont impurs. Et ceci à l'unanimité des savants. Que ce soit ce qu'on appelle el-mevi, ou bien el-wadi. Les deux sont impurs. Le mevi est un liquide blanc qui est sécrété de la partie intime de l'homme suite à certaines pensées qu'il peut avoir. Alors que le wadi est un liquide plus épais et il est sécrété après avoir uriné. Et ces deux liquides sont impurs. Et la preuve que le mevi est impur réside dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, radiallahu anhu, j'étais un homme qui sécrétait beaucoup de liquide séminal, donc el-mevi. J'ai donc chargé Al-Mirdad ibn al-Aswad radiallahu an d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos et il répondit: lave ton sexe et accomplis tes ablutions. Donc ici, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre l'impureté de ce liquide. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et on peut tirer de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement est que le sperme n'est pas impur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné qu'on lave le sperme. Et quelqu'un pourrait se demander pourquoi dans ces cas-là, lorsqu'une personne a du sperme en règle générale, elle lave son vêtement ou bien elle enlève cette tache d'une manière ou d'une autre. La réponse à cette question est que l'islam est une religion de propreté et qu'il n'y a pas de doute que c'est plus propre que la personne lave ce genre de tâche. Il est plus propre que la personne, par exemple, lorsqu'elle va à la mosquée, avant d'aller à la mosquée, elle lave ce genre de tâche. Car comme on l'a mentionné, l'islam est une religion de propreté. Le deuxième enseignement que les savants ont tiré de ce hadith est que cette règle-là, n'est pas spécifique au sperme. C'est-à-dire que il est préférable de laver, par exemple, le crachat ou certaines choses qui ne sont pas impures, mais qu'il est bon de nettoyer, tel que le sperme par exemple, tel que le sang. Bien sûr, il y a une divergence concernant le sang, et nous verrons, inshallah ta'ala, dans de prochains cours, que l'avis le plus juste est que le sang est pur. Et donc il convient, il est préférable à la personne de laver ce genre de tâche. Mais ceci, comme on l'a mentionné précédemment, n'est pas obligatoire. Le troisième enseignement est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas beaucoup de vêtements. Il avait un vêtement pour prier. Et avec ce vêtement-là aussi, il restait chez lui. Et ça nous montre la modestie et l'ascétisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième enseignement est qu'il est recommandé de laver le sperme lorsqu'il est humide et de le gratter lorsqu'il est sec. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc avec ça, on a fini l'explication de ce hadith et la semaine prochaine, incha'Allah, on expliquera le hadith concernant l'urine du nouveau-né et l'impureté aussi du sang des règles. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.